le système que nous avons au collège, il y a une énorme autonomie. Moi, je n'apparais pas du tout comme un chef, j'apparais comme un conseiller. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Je comparerais un peu ça, toute proportion gardée, à la situation qu'avait su construire le Japon à une certaine époque, où il y avait une autorité réelle qui était le shogun et où l'empereur avait un rôle de conseiller spirituel. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les controverses autour du talent et de l'égalitarisme, s'interroge le sociologue Pierre-Michel Menger. Comment l'égalisation des chances, comme idéal régulateur et inaccessible, peut-elle s'accorder avec l'évolution de la division du travail ? Comment la compétition est-elle un des grands thèmes de la sociologie ? Et que partage Durkheim avec Marx ? En absorbant l'héritage, en aura-t-on fini avec l'inégalité ? Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, directeur d'études à l'EHESS, nous propose depuis 2017 une grande enquête sur 2 ans et en forme de diptyque, dans le cadre de sa série intitulée « Qu'est-ce que le talent ? Éléments de physique sociale des différences » et des inégalités. Depuis plusieurs cours, le sociologue est revenu sur les débats à partir des Lumières autour de l'égalité, du talent et des sociétés complexes où les écarts peuvent se creuser considérablement. Après l'analyse d'Helvétius qui a été très discutée, il nous introduit à l'approche subtile et tragique du sociologue Émile Durkheim avant de revenir lundi à une certaine actualité de Marx. Et nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 23 mars 2018 pour le cours de Pierre-Michel Menger, Différences, talents et éducation, les positions et les controverses sur l'égalitarisme, aujourd'hui, Durkheim, partie 2. Durkheim consacre le chapitre 4 du livre 2 de la division du travail à l'examen de l'hérédité comme l'un des facteurs secondaires possibles de la division du travail et de son évolution. Le résumé qu'il en donne est précis. Voilà ce qu'il écrit. L'hérédité perd son empire parce qu'il se constitue des modes d'activité de plus en plus importants et qui ne sont pas héréditairement transmissibles. Deux, l'hérédité, et il annonce le thème qu'il reprendra plus tard, ne transmet bien que des aptitudes générales et simples. Or, les activités deviennent plus complexes et en devenant plus spéciales. Le legs héréditaire devient donc un facteur moindre de notre développement parce qu'il faut y ajouter davantage. Encore une fois, c'est un système de décomposition de la variance. Il discute ici les thèses de Francis Galton et du legs héréditaire. Galton soutient qu'une partie essentielle de l'intelligence est transmissible héréditairement. Et Durkheim critique cette position et dit « ce qui se transmet régulièrement, c'est le type moyen ». Il y a d'ailleurs aussi dans les recherches basées sur les thèses de Dalton l'idée de régression vers la moyenne, c'est-à-dire que quelque chose qui pourrait être exceptionnel se ramène toujours par transmission à une situation moyenne. Or, le type moyen devient toujours plus indéterminé par suite du développement des différences individuelles. Donc, premier temps de la démonstration, la division du travail augmente la différenciation des tâches et leur complexité. Et Durkheim cite dans cette thèse essentiellement des activités qualifiées ou très qualifiées qui illustrent cet argument de l'approfondissement de la complexité des tâches par leur spécialisation. Les aptitudes sont de plus en plus complexes parce qu'elles sont spéciales, donc il y a une codétermination de la nature complexe des aptitudes et de leur implication dans la division du travail. C'est une erreur de croire que notre activité se simplifie à mesure que nos tâches se délimitent, sauf dans un cas que j'examinerai tout à l'heure, c'est-à-dire le caractère répétitif et aliénant du travail ouvrier, que Durkheim discute explicitement. Et il dit ici, mais quand il s'agit de nous adapter à des objets particuliers et spéciaux, donc de travailler dans des matières complexes, de manière à tenir compte de toutes leurs nuances, C'est aussi un des produits de la division du travail. Donc la division du travail ne va pas dans le sens de la simplification, mais de la complexification. Nous pouvons y parvenir qu'en combinant un très grand nombre d'états de conscience différenciés à l'image des choses mêmes auxquelles ils se rapportent. Une fois agencés et constitués, ces systèmes fonctionnent sans doute avec plus d'aisance et de rapidité, mais ils restent très complexes. Beaucoup de travaux récents vont exactement dans le même sens, mais avec un tout autre vocabulaire, sur le thème de la polarisation des emplois. C'est donc cette complexification par spécialisation qui, selon le raisonnement de Durkheim, diminue la part héritable des dispositions générales au bénéfice de l'importance croissante d'une multiplicité de facteurs qui sont requis pour l'accomplissement des tâches complexes. Impossible alors de soutenir l'idée naïve de dynastie de savants ou d'artistes qui seraient tous également doués ou talentueux, même si, et Durkheim s'en prend explicitement à cette idée, et va discuter, je vais le montrer à l'instant, va discuter cette thèse, qui était notamment au cœur des arguments de Galton et aussi de la discussion de Galton par un auteur de l'époque qui a livré un long commentaire critique de Galton qui s'appelle De Candolle, que cite aussi Durkheim, même si Durkheim ne s'en distingue bien ce qui est l'argument de dynastie d'artistes, c'est-à-dire de dynastie de gens talentueux dont les caractéristiques spéciales se transmettraient d'une génération à l'autre dans des métiers qui sollicitent spécialement des dispositions toutes particulières, les savants et les artistes, mais ça ne veut pas dire qu'il écarte la possibilité qu'il y ait des hérédités professionnelles, c'est-à-dire des familles d'agriculteurs, d'artisans, de notaires, d'entrepreneurs, d'enseignants. Ça n'est pas ça l'argument. L'argument, c'est pas de dynastie de savants ou d'artistes, tous également doués ou talentueux. Durkheim décrit ainsi tout simplement la puissance des combinaisons et des interactions de tous les facteurs responsables de l'exécution d'activités complexes, et ces combinaisons sont hors de portée d'un raisonnement monocausal, par exemple en termes de capital génétiquement transmissible. Alors, la construction de Durkheim s'intéresse principalement, en général, au cœur de nos sociétés, c'est-à-dire le travail, les rapports de travail, la différenciation des professions, les inégalités de revenus qu'elles engendrent. Son objectif est de déterminer sous quelles conditions la société est viable, à travers les solidarités qu'elle doit pouvoir produire, et ce, en dépit, ou plutôt en raison même, de la différenciation croissante des activités, des professions, différenciation qui provoque bien des inégalités croissantes. Comme il dit dans la division du travail social, les progrès de la division du travail impliquent une inégalité toujours croissante. Pour construire son système, Durkheim doit récuser la construction de Helvétius. Helvétius partait de l'argument de l'identité originaire, mais s'appuyait sur cette axiomatique utilitariste qui échoue à produire une construction politique décidée par les citoyens. Chez Helvétius, c'est le législateur qui prend tout en main et qui échouait aussi, cette construction d'Helvétius, à construire une économie de croissance, puisque, si vous vous en souvenez, c'était la décroissance ou la contraction de la production de richesses qui, chez Helvétius, assurait la viabilité d'un modèle, la viabilité politique, d'un modèle utilitariste individualiste. La construction politique de Helvétius, mais il a des descendants, repose notamment sur un axiome que Durkheim récuse totalement. Cet axiome affirme que les individus par nature expriment de manière quasi automatique leur autonomie et leur liberté dans la recherche du plaisir et l'évitement du déplaisir, et que cette liberté spontanément maximisatrice doit, pour orienter les individus vers les valeurs de bien-être collectif qui fait tenir une société, être limitée par une contrainte externe. Autrement dit, la liberté des individus doit à la fois agir individuellement et être fortement contrainte collectivement. Durkheim a une solution pour éviter de penser une extériorité complète de l'individu et de la société. C'est son argument de la double nature de l'individu. C'est à la fois un être insubstituable et différencié qui se rapporte à lui-même en tant que corps, esprit, conscience, à nul autre semblable. Et c'est un individu, c'est un être social, pleinement constitué dans son identité parce qu'il interagit avec autrui. Et un être social qui sait que pour se développer ou tout simplement pour survivre, comme je l'ai dit avec ce thème de l'économie des besoins et des désirs, que pour survivre ou se développer, il ne peut pas laisser ses caractéristiques différentielles qui le définissent agir comme une force brute, sinon les plus forts physiquement ou intellectuellement écraseraient les moins forts, du moins dans un premier temps, avant d'être écrasés eux-mêmes. Parce que la société est un système d'interdépendance qui trouve son équilibre dans des relations justes et dans ce qui s'appelle une morale, dans les termes de Durkheim, fondée sur la capacité d'adopter le point de vue d'autrui, si différent soit-il, pour constituer la communauté de valeurs et de relations, y compris de relations d'intérêt. Durkheim doit aussi récuser la construction d'Adam Smith. Il retient de celle-ci l'importance, qui figurait dans le texte que j'ai cité la semaine dernière, un peu en hâte, l'importance de la division du travail, qui est le moteur de la croissance économique en même temps que de la production des différences individuelles, et donc en cela le ciment des relations d'interdépendance individuelle qui sont fondées sur les gains à l'échange à partir des différences. Ça, c'est l'argument de Smith. Mais Smith s'arrête aux transactions bilatérales et à leur armature contractuelle. Et il recourt à l'argument de la main invisible pour faire surgir l'ordre macrosocial à partir de la myriade d'échanges et de relations microsociales. Cette main invisible a pour Durkheim quelque chose à la fois de fascinant et de repoussant. C'est une machinerie étrangement sophistiquée qui semble produire spontanément de l'organisation globale à partir d'une myriade d'actions et d'interactions locales, ce qui pourrait sembler la rapprocher de cette construction organiciste à laquelle Durkheim assimile la société moderne complexe. Des myriades de relations d'interdépendance qui font émerger un ordre. Il reconnaît les mérites de ses thèses. Où doit s'arrêter la fascination de Durkheim à l'égard de cette main invisible? Une auto-organisation fondée sur la liberté formelle des échanges individuels ne suffit pas à définir ni à produire une société. La liberté individuelle dont il est question chez Adam Smith est simplement celle dont a besoin la machinerie des échanges et des contrats. C'est le nom de la liberté d'échange et de concurrence. Mais cette liberté n'est pas la liberté substantielle qui caractérise l'individu en tant qu'il est une entité différenciée et une entité qui n'est pas une simple force productive dont la satisfaction sera d'autant plus grande qu'elle sera moins entravée, mais aussi une entité dont une partie de l'individualité, de l'appartenance, est liée à son appartenance à une société dotée de ses structures et de ses normes. Pour soutenir sa théorie propre du caractère productif et socialement équilibré de la différenciation individuelle, Durkheim doit poser deux critères. Premier critère, les capacités individuelles d'exercer une profession et d'occuper une position sont le produit d'une fonction complexe de production. Durkheim soutient, comme nous l'avons vu, que les individus peuvent être dotés initialement de dispositions différentes, mais que ces dispositions, ces dons, comme il dit, ne sont que d'ordre très général, et que l'éducation et l'environnement engendrent l'essentiel des différences directement et par l'effet des interactions avec les dispositions initiales. Si l'essentiel du potentiel de différenciation individuelle est produit à partir de forces qui sont sous le contrôle de la société, la société doit, pour obtenir le meilleur déploiement possible des différences individuelles, faire d'abord en sorte que les chances égales d'éducation soient données à chacun pour lui permettre de développer ses capacités. Le deuxième critère, Et celui-ci, parce que les capacités des individus sont la condition de leurs accès à des emplois et des professions sur le marché du travail, et parce que ces capacités, au sens de fonctions de production complexe ou d'ensemble complexe de facteurs en interaction, ces capacités sont différentes, la solution qui assure à l'individu les meilleures chances de mettre en œuvre ses capacités est une division du travail qui apparie au mieux les qualités des individus et les caractéristiques des emplois. Ça, c'est un monde qui est désirable, évidemment. Dites-moi ce que vous êtes capable, au sens complexe que je viens de dire, de faire, et je déterminerai quels sont les meilleurs emplois qui peuvent leur correspondre. Cet argument a l'air banal, ou disons banalement fonctionnaliste, mais en fait, son originalité est sa fonction normative dans l'argumentation de Durkheim. Ça n'est pas une simple mise en correspondance quasi logique des formations et des emplois, mais ça définit aussi une optimalité sociale ou une condition d'équilibre. Compte tenu de toutes les différences individuelles, la solution d'allocation des emplois selon les capacités doit être une solution pourvoyeuse de bien-être collectif et pas simplement de bien-être individuel. Donc il y a bien un modèle, en quelque sorte, d'optimalité sociale. On peut retrouver ce genre d'idée dans des écrits beaucoup plus tardifs, beaucoup plus récents de certains économistes comme Kelvin Lancaster. Ici est donné le raisonnement. La seule cause qui détermine la manière dont le travail se divise est la diversité des capacités. Par la force des choses, ce partage se fait donc dans le sens des aptitudes, puisqu'il n'y a pas de raison qu'il se fasse autrement. Ainsi se réalise de soi-même l'harmonie entre la constitution de chaque individu et sa condition. On dira que ce n'est toujours pas assez pour contenter les hommes. Il en est dont les désirs dépasseront toujours les facultés. Ce fameux problème de l'excès des désirs sur les besoins. Il est vrai, mais ce sont des cas exceptionnels et peut-on dire morbides. Normalement, dit Durkheim ici, l'individu trouve le bonheur à accomplir sa nature. Ses besoins sont en rapport avec ses moyens. C'est ainsi que dans l'organisme, chaque organe lié ne réclame qu'une quantité d'aliments proportionnée à sa dignité. C'est la pression de l'argument organiciste chez Durkheim. Alors, si vous lisez cette citation, vous pouvez trouver l'argument ouvertement fonctionnaliste et un peu irénique. Dans le meilleur des mondes possibles, la carte des emplois et celle des différences individuelles devraient se superposer parfaitement. Et comme je l'ai dit, on y décèle la puissance de ce raisonnement organiciste qui gouverne toute la construction durkheimienne. Mais, en fait, on peut y lire plus, et peut-être même l'illustration de toute l'entreprise de Durkheim, parce que celle-ci veut faire tenir ensemble une théorie de l'individualisation croissante des situations personnelles. Pensez à tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la montée de l'individualisme. Ce thème est séculaire, en fait. Et aussi des activités productives dans les sociétés complexes, ça c'est la première chose, mais aussi une analyse des capacités individuelles à partir de l'idée de cette fonction de production complexe entre des éléments indéterminés et des éléments déterminables, notamment par l'éducation de l'école et de la famille. Et enfin, un troisième point, c'est la construction normative qui s'emploie à définir des conditions sous lesquelles l'individualité et l'interdépendance font société. Et comment est-ce que Durkheim fait tenir ensemble ces trois composantes? Eh bien, la réponse est à la fois banale et en fait assez subtilement élaborée. La réponse est banale si je dis il faut associer liberté et égalité. Et en cela, on dira que Durkheim est un grand héritier des Lumières du XVIIIe siècle, dont il était un très grand connaisseur, puisqu'il a enseigné notamment et écrit ses cours sur Durkheim et Montesquieu, sur Rousseau et Montesquieu, pardon. Mais cette égalité n'est pas une égalité abstraite de tous au regard de la loi, et cette liberté n'est pas l'autonomie complète, désocialisée, freischwebend, comme on dit, hors sol, de l'individu centré sur son seul intérêt. L'égalité dont parle Durkheim, il faut qu'elle s'accorde avec sa matrice théorique et avec la différenciation complexe des tâches et des métiers, qui pourtant est génératrice d'inégalités. Il faut donc recourir à un critère normatif de justice. Et ce critère-là, c'est celui de l'égalité des chances, qui seul permet à chacun de concourir dans le jeu social de la complexité des activités différenciées. Mais cette égalité, Durkheim estime qu'elle peut aussi être un critère d'efficacité et non pas son opposé. La division de plus en plus complexe du travail produirait encore plus d'inégalités si l'égalité des chances n'était pas recherchée. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, la concurrence serait faussée. Le sentiment de solidarité reculerait pour faire place à la frustration, au conflit, à la crise et à l'anomie sociale. Et pour le montrer, Durkheim recourt au contre-exemple des sociétés de caste et de transmission héréditaire des positions, et ce afin de disqualifier complètement l'argument de l'ancrage naturel des inégalités et de leur héritabilité directe, et pour défendre l'idée que la compétition est le moyen de libérer les individus de la tyrannie des castes et des privilèges héréditaires. Pourvu que cette compétition permette effectivement d'accéder librement aux positions sociales disponibles sur la base des capacités que l'on fait valoir. La société moderne, par opposition à l'institution des castes ou des classes de l'Ancien Régime, est un monde, dit Durkheim, de contingences et j'ajoute de probabilités. Dans nos sociétés, la contingence est plus grande. Il y a une plus large distance, il reprend encore cet argument, entre les dispositions héréditaires de l'individu et la fonction sociale. Les premières n'entraînent pas les secondes avec une nécessité aussi immédiate. En ce sens, Durkheim et Musil partagent quelque chose. C'est l'idée de l'homme probable, pour citer le titre du livre que Jacques Bouvresse a consacré à Musil, l'homme probabiliste. L'égalité des chances est ce qui, selon Durkheim, permet aux individus de prouver la position qui s'accorde le mieux avec leurs aptitudes, leurs préférences, et ce qui permet d'obtenir un résultat tout à fait essentiel, c'est l'acceptabilité des positions obtenues. Et pour justifier la nécessité théorique et non pas simplement normative ou politique de l'égalité des chances, Durkheim va de façon étonnante recourir à un argument clé des économistes, c'est-à-dire la liberté de contracter et d'échanger, qui ne s'exerce vraiment que si la compétition est juste. Mais comment la compétition peut-elle être juste entre des individus différents et différemment dotés ? Alors, il faut redéfinir la liberté individuelle comme une composition de forces individuelles et de forces sociales. La vraie puissance d'autonomie de l'individu dans l'action, sa vraie liberté d'agir et d'agir en société face à des êtres différents de lui, c'est d'acquérir puis d'exprimer autant de capacités qu'il lui est possible pour agir sans être désavantagé par une distribution inégale de ressources privées. Ce thème de l'argument de l'égalité des chances, c'est ce que Durkheim appelle l'égalité dans les conditions extérieures de la lutte. Ce sont ces mots. Ce qui fausse la concurrence interindividuelle quand celle-ci doit pouvoir s'établir sur la base des capacités et des mérites, ce sont les écarts de chances. Sans égalité des chances, rien de ce qui est défavorable à quelqu'un et favorable à un autre ne peut être considéré comme immérité ou mérité. Mais alors, qu'est-ce que Durkheim définit comme l'égalité des chances ? Bien sûr, il y a une dimension morale et politique d'équité qui consiste à subordonner ce que j'appelais la semaine dernière les différences non compensables aux différences compensables. Et Durkheim appelle ça le renversement de l'ordre naturel. Naturellement, dit-il, les hommes sont inégaux en force physique, ils sont placés dans des conditions extérieures inégalement avantageuses. Je passe un peu, et c'est la fin. En définitive, ce qui constitue la liberté, c'est la subordination des forces extérieures aux forces sociales, ce qui est quand même un coup de force extraordinaire. Dire la liberté, c'est la subordination à la société, car c'est seulement à cette condition que ces dernières peuvent se développer librement. Cette subordination est bien plutôt le renversement de l'ordre naturel, dit-il. Et donc, Durkheim dit, il faut faire de ce renversement de l'ordre naturel non pas ce qui contrarie l'expression de l'individualité dans ce qu'elle recèle d'authentiquement non substituable et non égalisable, sinon il irait jusqu'à être un Helvétius de plus, mais ce qui doit permettre son plein déploiement et même son libre déploiement une fois la liberté individuelle complètement ancrée dans son cadre, celui de la vie en société. Et la formule de Durkheim est ici, notre idéal est toujours plus d'équité dans nos rapports sociaux afin d'assurer le libre déploiement de toutes les forces socialement utiles. On comprend mieux ce raisonnement si on examine la redéfinition de la liberté comme spontanéité ou comme absence d'entrave à l'exercice le plus complet possible de ses capacités. L'idée, c'est, et je cite quand même brièvement, la division du travail ne produit la solidarité que si elle est spontanée, dans la mesure où elle est spontanée. Souvenez-vous de la discussion de Adam Smith. Mais par spontanéité, il faut entendre l'absence, non pas simplement de toute violence expresse et formelle, mais de tout ce qui peut entraver, même indirectement, le libre déploiement de la force sociale que chacun porte en soi. Le travail ne se divise spontanément que si la société est constituée de manière à ce que les inégalités sociales exprime exactement les inégalités naturelles. Or, pour cela, il suffit que ces dernières ne soient ni rehaussées ni dépréciées par quelque cause extérieure. Il faut donc l'absolue égalité dans les conditions extérieures de la lutte. On objectera que dans ces conditions, il y a encore lutte par suite des vainqueurs et des vaincus, et que ces derniers n'accepteront jamais leur défaite que contraints. Mais cette contrainte n'a de commun avec elle que le nom. Ce qui constitue la contrainte proprement dite, c'est que la lutte même est impossible, c'est que l'on n'est même pas admis à combattre. Le thème de la compétition est un grand thème dans la sociologie, à la fois comme instrument de libération par rapport à des ordres, à des transmissions héréditaires de privilèges, mais aussi comme des mécanismes éventuellement de stabilisation, de situation, de domination. Et il faut toujours manier l'argument avec suffisamment de subtilité pour épouser toutes les situations et les différencier. Le Collège de France et France Culture vous présentent le sociologue Pierre-Michel Menger, Différences, talents et éducation, les positions et les controverses sur l'égalitarisme. Étant donné la conception durkheimienne de l'individu comme un être double et son constat que la différenciation croissante des activités augmente les inégalités de situation et de richesse, l'égalisation des chances dans la compétition acquiert donc une importance considérable. C'est un impératif absolu pour assurer cette solidarité qui résulte d'un bon équilibrage de l'interdépendance dans la différence. Alors, cette analyse de Durkheim n'est pas empiriquement falsifiable, elle est théorique et elle est aussi téléologique. La meilleure configuration possible des sociétés complexes à structure organique est celle qui tire parti de la double requalification et de la double articulation de la liberté et de l'égalité que je viens d'évoquer. Mais il y a chez Durkheim la conscience tout aussi aiguë que l'égalisation des chances est un idéal asymptotique, c'est-à-dire sans doute inaccessible sous sa forme la plus radicale. C'est aussi quasiment la conscience tragique dont je parlais de Durkheim tout à l'heure, et ce pour deux raisons. Premièrement, la demande sociale d'inégalité des chances n'est pas statique, mais dynamique. Les frontières de la demande d'égalité se déplacent. Ce qui pouvait être considéré comme acceptable à un stade donné de la marche de la société vers l'égalité des chances sera considéré comme inacceptable ensuite, soit que les résultats des mesures d'égalisation des chances apparaissent improductives, soit que le sentiment d'inégalité s'attache à des dimensions de plus en plus nombreuses et que ce qui était considéré comme non compensable auparavant apparaissent maintenant arbitraires. Dans la situation de recherche d'égalité des chances, il y a l'idée qu'elle va fonder la revendication par chacun du juste prix de sa contribution. C'est l'égalité de proportionnalité qui fonde le mérite. La distribution des choses entre les individus ne peut être juste que dans la mesure où elle est faite proportionnellement au mérite social de chacun. Cette proportionnalité est soutenue par la capacité de s'approprier le bénéfice de son mérite. Ça, c'est le temps 2. Et c'est la propriété. La propriété des particuliers doit être la contrepartie des services sociaux qu'ils ont rendus. Une telle distribution de la propriété est aussi conforme que possible à l'intérêt social. Mais ce mérite est alors à l'origine d'une transmission de la propriété via l'héritage. Et c'est la citation suivante. Cette injustice foncière du droit de propriété ne peut disparaître que dans la mesure où les seules inégalités économiques qui séparent les hommes sont celles qui résultent de l'inégalité de leurs services. Donc, je commente, purger des avantages patrimoniaux hérités. Contribution par son effort et son travail et rien de plus. Dans une situation d'égalité plus souhaitable à un stade donné de la société. Voilà, dit Durkheim, comment le développement du droit contractuel entraîne toute une refonte de la morale de la propriété. Et on trouve ici, comme dans toute l'œuvre de Durkheim, et auparavant chez beaucoup d'autres auteurs, dont d'ailleurs Helvétius lui-même, l'idée que le premier obstacle à l'égalisation des chances, c'est l'héritage patrimonial. Quelques citations. « L'héritage en créant entre les hommes des inégalités natives qui ne correspondent en rien à leur mérite et à leur service vicie à sa base même tout le régime contractuel. La fortune héréditaire jetée dans un des plateaux de la balance fausse l'équilibre. Et c'est contre ce mode injuste d'évaluation et contre l'état social qui le rend possible que proteste de plus en plus la conscience morale. Mais, et c'est là un sentiment tragique si on veut, mais aujourd'hui il est trop manifestement en contradiction avec le sentiment qui est maintenant à la base de notre moralité, ce sentiment d'injustice. Cela dit, l'obstacle à la suppression de l'héritage relève de ce qu'on pourrait appeler un gigantesque dilemme du prisonnier. Si j'avais, moi, la possibilité et le souhait, c'est un sujet d'actualité, vous allez voir, de déshériter mes enfants, je n'œuvrerais à l'égalisation des conditions individuelles, si c'est ça mon but, c'est pas sûr, si tout le monde agissait comme moi. Car si j'agissais seul, je ne ferais que désavantager mes enfants dans la compétition qui demeurerait inégalitaire. Seule une décision collective contraignante résoudrait le problème qui paraît totalement hors de portée d'une solution de coopération spontanée à l'échelle d'un petit groupe. Et c'est ce que décrit ici typiquement le long texte que je cite. Je ne vais pas le commenter davantage pour dire que la décision ne peut pas se faire de manière graduelle, mais par une révolution ou une transformation profonde des lois. Et donc la solution, c'est bien une décision politique et une législation contraignante. Si, a-t-on dit, c'est ici, l'héritage étant aboli, chacun entre dans la vie avec les mêmes ressources, si la lutte entre les compétiteurs s'engage dans des conditions de parfaite égalité, nul n'en pourra trouver les résultats injustes. Tout le monde sentira spontanément que les choses sont comme elles doivent être. Ça, c'est un temps de la démonstration. Mais le deuxième temps de la démonstration, c'est en abolissant l'héritage, en aura-t-on fini avec les inégalités ? On peut supposer que les conditions extérieures de la lutte étant rendues plus égales, seules subsistent des différences sociales qui sont le reflet des différences intérieures et personnelles, celles auxquelles Durkheim ne veut jamais renoncer non plus, après que tous les facteurs contingents, ces facteurs externes d'inégalité, ont été neutralisés. Et donc, qu'advient-il exactement de ces différences intérieures, celles qui résultent d'aptitudes personnelles dont la reconnaissance soutient par ailleurs la méritocratie républicaine que dessine le travail de Durkheim? Il n'est effectivement pas douteux que plus on se rapprochera de cette égalité idéale, moins aussi la contrainte sociale sera nécessaire. Mais ce n'est qu'une question de degré, car, dit-il, il y aura toujours une hérédité qui subsistera, c'est celle des dons naturels. C'était le début de mon cours, je citais les éléments de ces dons naturels. Voilà le texte où cette mention apparaît. L'intelligence, le goût, la valeur scientifique, artistique, littéraire, etc. Que chacun de nous reçoit en naissant comme le propriétaire né reçoit son capital. Ira-t-on jusqu'à réclamer que le partage soit égal pour tous et qu'aucun avantage ne soit fait au plus utile et au plus méritant, c'est-à-dire en violant ces inégalités non compensables? Et il dit, mais alors il faudrait une discipline bien autrement énergique, c'est sans doute celle de Helvétius, pour faire accepter de ces derniers un traitement simplement égal à celui, ça c'est son vocabulaire, des médiocres et des impuissants. Aujourd'hui, on emploierait plus ce vocabulaire pour des raisons de transformation de la conception de l'égalité que je vais évoquer à l'instant. Dans une étude qui est contenue dans un ouvrage de Jean-Fabien Spitz, qui est consacré à Durkheim, La République de l'égalité des chances, Spitz analyse la gradation vers l'égalitarisme chez Durkheim. Et il s'appuie notamment sur les leçons de sociologie, les cours qui ont été professés par Durkheim à Bordeaux entre 1890 et 1900. On trouve dans ces cours, et notamment dans les derniers paragraphes du volume qui a été tiré de ces cours, l'argument selon lequel la demande d'égalité méritocratique pourrait être débordée et dépassée par une demande d'égalité fondée sur ce que Durkheim appelle dans son vocabulaire la sympathie, la charité et la fraternité, Autrement dit, la reconnaissance entière de l'égale dignité des individus. Je cite quelques passages du long texte qui est ici, qui conclut ces leçons de sociologie. « Au regard d'un sentiment de sympathie humaine, même les inégalités de mérite ne se justifient pas. » Et il dit, au fond, est-ce que ces inégalités de mérite ne sont pas, elles aussi, des inégalités fortuites, des inégalités de naissance, dont il n'est pas juste, à certains égards, de faire porter aux hommes la responsabilité. C'est ici, et je saute un peu, c'est ici que commence le domaine de la charité. La charité, c'est le sentiment de sympathie humaine, arrivant à s'affranchir même de ces dernières considérations inégalitaires, à effacer, à nier comme mérite particulier cette dernière forme de la transmission héréditaire, la transmission du mental. Ce n'est donc autre chose que l'apogée de la justice. C'est la société qui arrive à dominer complètement la nature, vous vous souvenez de l'argument du renversement de l'ordre naturel, à lui faire la loi, à mettre cette égalité morale à la place de l'inégalité physique qui est donnée en fait dans les choses. Seulement, d'une part, ce sentiment de sympathie humaine n'arrive à ce degré d'intensité chez quelques consciences d'élite. Il reste, dans la moyenne, des consciences trop faibles pour pouvoir aller jusqu'au bout de son développement logique. Nous n'en sommes pas encore au temps où l'homme aime tous ses semblables comme des frères, quelles que soient leur raison, leur intelligence, leur valeur morale. Ce mouvement vers l'égalité complète est présenté par Durkheim comme l'extrapolation de tendances qui sont observables, mais qui ne suffisent pas à faire basculer la société dans un dépassement complet de la demande qui, elle, est la plus réaliste et la plus aisée, ou tendanciellement la plus aisée à satisfaire, ou du moins à mettre en œuvre avec des moyens sous le contrôle de la société, qui est celle de l'égalisation des chances, qui, elle, s'accorde par ailleurs avec l'évolution de la division du travail. En réalité, l'asymptotique égalisation des chances et la philosophie méritocratique de justice, de proportionnalité n'apaiseront pas, selon Durkheim, les controverses sur l'égalité réelle et sur les sentiments d'injustice, et n'apaiseront pas les sentiments d'injustice dans une société qui opère en régime de concurrence pour l'accès aux emplois et en régime de forte hiérarchisation des professions du fait de la division du travail. L'égalisation des chances est un idéal régulateur qui définit un équilibre très supérieur à celui des sociétés de caste ou d'ordre, mais inférieur à celui de sociétés qui opéraient exclusivement selon une morale de l'égale dignité humaine dans laquelle les différences individuelles peuvent bien exister mais non plus de valeur marchande. Ce type de société n'est pas défini par Durkheim, qui en reste à une solution réformiste, celle qui consiste à faire admettre la discipline d'une société républicaine fondée sur une juste compétition et qui recherche l'équilibre le moins autoritaire possible entre liberté ou spontanéité et égalité. J'en viens à la dernière partie. L'argumentation de Durkheim peut être résumée ainsi. 1. L'individu cherche à se perfectionner. C'est même là un principe d'égale revendication de tous à l'égard de l'éducation et du travail. Pensez au contre-exemple. Qu'est-ce que c'est que ne pas vouloir se perfectionner ou se développer comme individu ? 2. Les différences de capacité et de ressources déterminent les chances de réussite scolaire et plus encore l'accès aux positions sur le marché du travail et dans la hiérarchie des professions. Ces différences sont le produit d'une interaction entre des capacités ou des aptitudes initiales et des ressources éducatives et sociales. Une partie des ressources est égalisable, une autre non, même si l'on abolit l'héritage et les différences de fortune à l'origine des destins individuels. 3. La production économique repose sur la division du travail qui est porteuse de différenciation des capacités, de croissance économique, mais aussi d'inégalité croissante et d'autres facteurs de désordre. 4. La concurrence interindividuelle agit pour sélectionner les capacités productives, apparier les individus et les emplois dans un objectif d'efficacité. elle a lieu parce que les ressources que doivent se procurer les individus pour satisfaire leurs besoins et leurs désirs sont allouées comme des biens rares. Et ce point va être important. La rareté est toujours une cheville dans ce genre de démonstration. Mais la concurrence individuelle est à la fois moins efficace, c'est le point 5, et économiquement, et plus injuste socialement, si les chances de se former et d'accéder au métier ne sont pas rendues plus égales. Dans l'état présent de l'organisation sociale, cette égalité des chances est très imparfaitement réalisée et demeure au mieux un idéal régulateur. 6. Les individus emploient toute une partie des revenus obtenus par le travail pour consommer, c'est-à-dire pour satisfaire des besoins et des désirs. Or, la double nature des individus menace d'entretenir le penchant de ces individus pour tout ce qui répond à l'illimitation de leurs désirs et qui est source de consommation ostentatoire, de comparaison envieuse, d'excès d'endettement et d'anomie. Si je retiens uniquement le critère des différences individuelles, la comparaison avec Helvétius donne la chose suivante. Helvétius abolit des différences initiales, attribue l'essentiel des inégalités sociales de réussite à des facteurs éducatifs et doit restreindre l'appétit illimité de satisfaction à des buts d'estime sociale et non d'enrichissement de supériorité économique. Une économie peu développée est sa meilleure alliée car elle raréfie les ressources à se partager et donc diminue d'autant les enjeux de toute rivalité individuelle. La solution de Durkheim est symétrique et inverse. Les économies se développent notamment à la faveur de la croissance de la productivité du travail, c'est le thème de la complexité de la division du travail, et elles tirent parti des inégalités de talent. Elles en tireront un rendement encore supérieur si elles égalisent les conditions de la concurrence individuelle, car elles rendront la réussite vraiment proportionnelle au mérite et fourniront à chaque individu l'horizon de développement personnel le mieux ajusté à ses capacités. Mais le monde ainsi conçu est inégal et orienté aussi vers l'expression anomique des inégalités dans la consommation. La limitation des inégalités relève d'une économie politique, morale et organisationnelle. Elle s'appuie sur le premier principe d'une république méritocratique, la rétribution à proportion de la contribution. Cette rétribution à proportion de la contribution, c'est le socialisme que Marx veut dépasser dans une société communiste. Marx demande à quelles conditions le socialisme méritocratique pourrait être dépassé pour que soit atteinte l'égalité radicale de résultats et non plus seulement l'égalité des chances. Puisque cette égalité des chances échoue en étant perpétuellement contrecarrée par des stratégies de maintien de leur position dominante par les classes supérieures. Et les conditions que Marx met à ce dépassement sont au nombre de 5. Suppression de la propriété privée, relégation de la consommation au profit de l'action productive, il faut dévaloriser considérablement les satisfactions de la consommation, et maximiser considérablement les satisfactions de l'agir productif. On en trouve beaucoup d'échos dans des tas d'auteurs plus récents. Abolition de la division du travail, négation des différences individuelles de talent, absence de rareté des ressources. Attention à ce critère. Il faut noter en effet que cette condition de l'abondance des ressources, c'est celle qui commande certainement chez Marx toute l'architecture du système, alors même qu'elle peut apparaître la plus invraisemblable et la plus utopique. C'est aussi celle qui se loge dans la conception de l'histoire, selon Marx, puisque cette abondance de ressources aura été permise par l'évolution même du capitalisme et des innovations technologiques qu'il a produites, et que peut-être une société où les robots seraient entièrement à notre service et seraient totalement polyvalents pour nous débarrasser totalement du travail non désirable, nous promet, ça reste à voir sérieusement. Et en tout cas, l'idée de rareté est une idée endogène, c'est pas tout d'un coup tout est gratuit, c'est la société a produit quelque chose qui a mis en route des conditions pour être dépassées par une autre distribution des droits et des possibilités politiques. Mais il faut cette absence de rareté, cette abondance de ressources pour que le système fonctionne. Alors, dans ce que j'ai énoncé comme critère, ce que Marx partage, il ne le sait pas parce qu'il est mort avant lui, avant que Durkheim écrive son œuvre, mais ce que Durkheim partage avec Marx et Marx partage aussi avec Helvétius, ça il l'avait lu, et avec bien d'autres auteurs, c'est un argument tout à fait élémentaire qui est l'individu cherche à se perfectionner et à exceller dans des activités, pourvu que cette excellence soit une excellence d'accomplissement et pas une excellence de supériorité. C'est une définition d'essence de l'humain en tant qu'individu. Chacun doit pouvoir se développer aussi bien qu'il est possible pour libérer en lui tout ce dont il est porteur. Chez Durkheim, on en trouve l'expression avec l'emploi de cette notion de spontanéité que j'ai évoquée et qui est directement présente dans toute cette conception organiciste dont j'ai parlé. Je vous redonne la citation, c'est le thème du libre déploiement de la force sociale qui est en soi et qui est une composition de caractéristiques à la fois strictement individuelles et strictement dues à la collectivité. On le trouve aussi dans une longue analyse que consacre Durkheim au travail ouvrier, où il montre que le travail ouvrier est aliénant si les individus sont pris dans un système de travail qui est strictement répétitif et surtout un travail où ils ne voient pas à quel but ils contribuent, quelle est au fond l'architecture entière du travail auquel ils contribuent. S'ils perdent la vision du résultat et de l'ensemble du processus, ils perdent le sens même de leur travail. Cette idée de perfectionnement ou de besoin de s'accomplir dans une activité, elle est présente chez Durkheim, et Marx a une ontologie strictement équivalente de réalisation de soi dans l'agir productif, mais Marx, à la différence de Durkheim, purge cette ontologie de toutes les propriétés différentialistes. Celle qui conduisait Durkheim à affirmer que le travail est bien divisé quand la position de chacun est accordée avec ses aptitudes, vous vous en souvenez. Marx récuse les propriétés fonctionnellement libératrices du travail bien divisé. Mais exactement, c'est le paradoxe, au nom du même réquisit que Durkheim, permettre à l'individu de s'accomplir pleinement. Mais comme l'individu marxien est indifférencié, la division du travail est un obstacle, alors qu'elle est un levier positif dans l'univers différentialiste durkheimien. Et je rappelle que dans la construction théorique et politique de Marx, nous devons nous situer au terme d'une histoire de transformation lorsque le capitalisme aura ployé sous ses contradictions, qu'il aura engendré le socialisme, puis que la société communiste aura pris le dessus et clos l'histoire de la violence humaine. Dans ce monde nouveau, l'essence de l'homme pourra enfin se réaliser, dit Marx. Et c'est une ontologie qui est tout à fait explicite et qui a été très bien analysée par Jon Elster avant d'être ici au collège et encore au collège, et par Gerald Cohen, dont j'ai déjà parlé. En fait, cette conception de l'individu, elle s'inscrit dans une très longue tradition de la philosophie de la praxis qui court d'Aristote à Hegel et à Marx et dont on peut faire en quelque sorte la matrice d'une sémantique de l'excellence ou du perfectionnement. Ce mot d'excellence, sous toutes ses variations, l'excellence pour tous, etc., etc., en fait, elle a un ancrage dans une très longue tradition. Mais on la préfère dans sa version non-rivale que dans sa version rivale. C'est la deuxième, la version rivale, qui est l'objet de beaucoup de controverses et de pétitions, par exemple contre la prime d'excellence des chercheurs du CNRS par certains d'entre eux, mais c'est l'excellence non-rivale qui est désirable. Qu'est-ce que l'excellence non-rivale ? C'est une excellence qui dit une société doit permettre à chacun d'exceller dans son domaine, d'aller aussi loin que possible dans la capacité de se développer. Et ce vocabulaire est omniprésent dans l'analyse classique du progrès des civilisations. Et c'est au cœur, par exemple, de la philosophie rationaliste des Lumières. Ça justifie l'impératif d'éducation qui doit permettre d'accorder à chacun des chances égales de déployer ses capacités. le lien positif tant évoqué dans notre société de la connaissance et de l'innovation entre l'éducation et la croissance économique ne fait que transposer au niveau d'une société tout entière ces bénéfices du gouvernement de soi, comme dirait Foucault, qui vise à la réalisation la plus accomplie de soi. On peut en trouver la matrice dans la philosophie aristotélicienne de la praxis. Mais il y a une autre excellence. Cette excellence, c'est l'excellence de supériorité. La conception normative de l'excellence dans sa version non rivale définit l'individu comme une totalité autonome et rationnelle. Est-ce qu'elle peut s'appliquer à la collectivité tout entière? En fait, c'est là que les choses deviennent compliquées. Dans la version de Marx, il s'agit de ne pas dépendre des autres. Grâce à l'abondance des ressources, le perfectionnement ou la réalisation de soi sont fondés sur une forme politique d'autonomie ou d'autosuffisance, contrôlée d'ailleurs par un pouvoir central. Dans une solution qui fait droit aux interactions et aux différences de capacités, le plein développement par chacun de ses capacités personnelles ne peut déboucher sur un équilibre collectif que si personne n'en tire avantage pour s'imposer aux autres. Or, la sémantique de l'excellence contient précisément ce deuxième registre de signification, l'excellence comprise comme supériorité à partir de l'évaluation relative des capacités et des performances individuelles. Et de fait, les domaines dans lesquels l'excellence est le plus prisée socialement sont aussi les domaines qui provoquent les plus grandes inégalités d'accomplissement et ou de reconnaissance individuelle, les arts, les sciences, les sports, la recherche, l'innovation entrepreneuriale ou l'engagement politique. Dans ces domaines, l'évaluation comparative est omniprésente, ce qui suggère que l'excellence de l'individu ou de sa production est une qualité relative. L'excellence est alors une supériorité. Mais comment écarter les effets désagrégateurs au plan collectif d'une morale de l'accomplissement personnel sans supprimer en même temps l'existence des différences individuelles? C'est ça le problème que posent les philosophies politiques et les sociologies réformatrices qui plaident pour une conception réaliste de la différenciation individuelle et de la limitation des inégalités de conditions sociales qui résulte de l'activation spécialisante et concurrentielle des différences. Si on adopte une solution d'un autre type, quelles sont les possibilités? Je crois que j'arrive au bout de ma question et je la laisse en suspens. Je terminerai ici mon exposé la semaine prochaine et je donnerai ma conclusion générale. Merci pour votre attention. Collège de France, vous venez d'écouter le 23 mars 2018 le cours de Pierre-Michel Minguer, Différences, talents et éducation, les positions et les controverses sur l'égalitarisme, aujourd'hui, Durkheim, partie 2. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minguer. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur ». La même année a été édité en poche, au Point Seuil, son ouvrage « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain ». Réalisation, Ghislaine David. Iconographie web, Claire Coinsignon. Présentation, Meryl Meneghetti. Lundi, nous poursuivons notre enquête autour du talent et des énigmes que la notion pose à la société en compagnie de Pierre-Michel Minguer. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.